cochon, dis donc. Il paraît qu'il s'appelle Victor. On sait, on verra bien. Et allez, les gars, on y va, allez, oh. Et ça commence comme ça, l'histoire. Allez, on y va, allez, oh. C'est la véritable histoire de Victor le cochon qui rafle les concours de foire dans toute la région, dans toutes les porcheries, en entendant son nom. Il doit y rêver de son billet, de sa petite cœur en tire-bouchon. Un long point de saucisse, un long point de jambon. Victor était bel et bien fait pour la reproduction. Allez les bandes d'eau, va-t'en, on y va, allez, on y va, oh. Il faisait point le bougre, la moindre concession. Sont bien rares les groupes qui ont rogné ses bandaisons. Victor ne portait plus la moindre attention à ses compagnes des suies, leur cachait ses rognons. Un long point de saucisse, un long point de jambon. Victor était bel et bien fait pour la reproduction. Et là, bon, maintenant c'est à toi, allez, tout bien, oh. Et un jour arrivant, on s'en souvient encore. Victor se refusa, hein, baisé comme un porc. Serait-il de plus fier, car c'est de Satan les bêtes. Voulait se taper la fermière avec ça dans la tête. Un long point de saucisse, un long point de jambon. Victor était bel et bien fait pour la reproduction. Allez, les sacs, oh, vous faites ce que vous voulez, on y va, allez, oh. Quand je reste, quand tu m'attends.

cartes sur le pogo, les camouches sur le frigo, les premiers morceaux, la chocolat sur nos des musicaux, accélérant un tapot, qui les boulets au galop. Dans le public, on sentait la fibre remonter. Le temps à part la fête des garçons bouchés. On rage qu'on est si bas final, on se bousillant ses patates, comme un violon. Toi les guitaristes, on vient avoir le bassin, le saxophoniste, qui arrive le violon. Toi les guitaristes, viens avoir le bassin, le saxophoniste, qui arrive. Le service d'ordre était déjà les mordus, le bar était ravagé, et la caissière est couillée. On a appelé en catastrophe le SAMU, le TRSCQ, car les tambours étaient tenus. Et quand enfin on a maîtrisé l'incendie, sur le sang on a fait les merguez et du riz. Faire la musique, c'est aussi bien s'éclaté, paysan de SAMU. Attends bien, et la caissière est bouillée. On a appelé en catastrophe le SAMU, et c'est la SSQ car les tombeaux étaient tenus. Et quand enfin on a maîtrisé l'incendie, sous les sangrons, la feuille merguez et du riz. Par la musique, c'est aussi bien s'éclater, brisant de celui à son viande. Viande, viande, viande. Je suis zinzin. Ta forme n'a rien d'esthétique. Je suis zinzin. Mais t'as ton âge pétinique. Je suis zinzin. Mais les gens valent pas une brique, ma gueule. de mes pathétiques, mes clémentines se remplissent. Je suis un zoo, j'ai la peau moins érotique. Mais je suis un zoo, j'ai mangé de l'or pupille. Je suis un zoo, j'ai les litiges frénétiques, j'ai la menace maladie. Et je me soigne où je mets le blé. Je suis un zoo, j'ai la frigo planétique. Je suis un zoo, mes mirabelles sont mystiques. Je suis un zoo, mes murs n'aiment pas les flics. J'aime les prunes alcooliques, je peux en avoir l'alcoolique. Supermarché. suis sûr, c'est que la guerre n'est pas due et permet des voyages sans ouvrir ses bagages. Ladies and gentlemen.

chier, serre-moi encore, écoute-moi si tu veux, toi qui sais où. Après une subtile esquisse, on a enfoncé les vis, nous les écorchés vifs, on en a des sévices. Dans les dents, dans l'embout de peau qu'on retrouve ça et là. Tous les coins ne cessent pas de trembler. C'est comme ça que je te reconnais, même si je vaux beaucoup mieux pour toi. Que tu trembles un peu moins que moi. Emmène-moi, emmène-moi, on doit pouvoir se rendre écarlate. Et même si on précipite, on devrait voir Whitehead, Whitehead. C'est la marche à pied, c'est à cause de la société.

banquier. Mais ça s'est pas fait tout seul. Pour devenir VRP, on s'en est pris plein la gueule. Faut commencer par un stage, se faire une belle coupe de tif, préparer tout son package pour l'entraînement intensif. Dans le car qui nous emmène, on se fait déjà des copains, on se rassure, on se démène pour se donner un peu d'entrain. Dans le camp on nous en passe, plus un bruit ça ne rigole plus. Dans la cour pleine de caillasses, un ancien nous met au jus. Je voudrais être représentant de tous les gens vers le bonheur, apporter un peu de printemps dans les foyers et dans les cœurs. Au début c'est pas la joie, sans un mot faut supporter. Une porte qui claque 50 fois, sur le pied faut pas bouger. L'exercice de l'escalier, c'est la mort des asthmatiques. Ils s'effondrent sous les pieds des plus vaillants, c'est logique. Le soir on a quartier libre, dans le bloc il faut rester. Entre chambres on fait revivre l'expérience des jours passés. Pour joindre l'utile à l'agréable, on s'entraîne au jeu de mots. Les bouts d'entrain les plus affables assurent l'avenir du boulot. Je voudrais être représentant de tous les gens vers le bonheur, apporter un peu de printemps dans les foyers et dans les cœurs. Déjà 2 mois qu'on est en stage, seuls les patrons n'ont pas lâché. Pauvre Maurice, c'est bien dommage, si près du but il a craqué. Entre nous la haine s'installe, seuls 4 seront diplômés. On prépare le concours final, y'a plus d'amis, il faut gagner. Je voudrais être représentant de tous les gens vers le bonheur, apporter un peu de printemps dans les foyers. Vraiment, viens donc me retrouver dans ma cabane perdue au milieu des marais. N'aie pas peur sur ta route des barques échouées. Suis la senteur salée de la rose mouillée. La la la la la la la. Et nous nous aimerons sol craquelé, allongé sur ses herbes par le soleil brûlé. Quand montera l'orage, ne sois pas effrayé, puisque nous sommes deux sur mon île isolée. Donc me retrouver dans ma cabane perdue au milieu des marais. N'aie pas peur sur ta route des barques échouées. Suis la senteur salée des larmes mouillées. Asseyez-vous devant là, parce que vous allez vous faire emboîter. Hein. Ça, je vous dis tout de suite, vous ne resterez pas debout pendant que les gars qui sont derrière n'y voient rien. Cet accueil me bouleverse. Et alors, pour la fête de l'humanité, ça c'est une information récente. Ils ont demandé aux 18 tambours du Bronx, qui Ils sont des gars de Nevers, comme leur nom l'indique. Tambours du Bronx, ils sont 18, de venir avec eux. Et puis ils ont encore demandé à 5 cuivres, dont je ne connais pas les noms, à 3 cordes, qui enregistrent comme ci, comme ça. Oh, ah bah, la barbe. Attendez, c'est fini. À 2 choristes. Alors ça fait donc 3 et 18, 21, 21 et 5, 26, c'est 3, 28 et 3, 33. Merci pour eux, les garçons bouchés. Parloir mini. réglementer l'œil ton pour te surveiller. Police, menace, prison, injustice, juré, condamnation. Police, menace, prison. Les culottes soi-disant supprimées, c'est le mitard bien préservé. Et les assassinats dissimulés, complicité des matons meurtriers. Police, menace, prison, injustice, juré, condamnation. Police, menace, prison. Promise, elle est devant toi. Tu n'as pas de travail et tu n'as pas de droit. Tu n'as pas le choix, tu es hors la loi. Police, menace, prison, injustice, juré, condamnation. Police, menace, prison. Attention à la rébellion. Ça bouge dans les prisons et ça bouge dans la rue. Et la petite keuf, fais gaffe à ton cul. Police, menottes, destruction, justice jurée, leur exécution. Police, menottes, prison, à justice jurée, condamnation. Police, menottes, prison, à justice jurée, leur exécution. Elle est belle. c'est l'heure, le silence balance sur les autres. Le rythme des horloges qui pourrissent. Se puede la vida no pa-